c'est de mon territoire. Soyez à l'écoute. Rescapé du système, soyez à l'écoute. Zup, quartier heureux, soyez à l'écoute. La vérité de la bouche des infâmes, des quartiers Amsterdam. T'étonnes pas que ça vire au drame, pyromane sous les gyrophares. Jeunesse en cavale, rabat même en cabane. Hard match, rap, crame et c'est pas encore l'heure de plaire aux fans. Encore une scène de vie, toujours obscène, devine. Quelle devise pousse nos rap à faire dans la rengaine du vice. Ici les journées sont les mêmes depuis bon d'années. Condamnés à faire nos peines là où les querelles divisent. Forgé dans l'épreuve pleuve, poteau. Une innocence trop brève, les rêves crèvent trop tôt. J'ai vu le diable en photo, facile d'en faire un poster. Plus dur de penser. C'est comme crier quand tu fosters. Sans croire que la bataille est vaine. Ils veulent qu'on style les veines. Qu'on freine, qu'on traîne, qu'on s'engraine et qu'on morde à la part. Faut qu'ils comprennent qu'on est branché sur le bon canal. J'ai été élevé par mon père, pas par Montana. Locataire des blocs, on dit que ça crame dans nos blocos. Révolte au fond des caves, c'est ce qui se trame dans nos sujets. On se connaît pas mon pote, qui t'es pour nous juger. Fier nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs et nos gosses. Pour tous les QG, est, ouest, nord, sud. Faut que la bande s'amorce et que les porcs sentent la morsure. Toujours le même univers, sans pour autant se taire. Les mêmes qui fuient la cour des cols. Pour la cour des gangsters. On vit au jour le jour, donc faut pas s'en faire. Ça crame les jours, le trait c'est trop puissant frère. Rester soi-même c'est ce qu'il faut, soit disant faire. Et c'est cette routine qui nous pousse à prendre 10 enfers. On voit les mêmes gratteurs de clopes et de massa. Y'a ceux qu'ils ont à pied, ceux qu'ils ont en classe ça. On voit les mêmes emmerdeurs, quoi que passe ça. Soldats de la zone, écoute ça. On voit les mêmes vendeurs de pollen sous les blocs. Les mêmes qui donnent l'alerte quand les poulets bloquent. On voit les mêmes sœurs, le même sort, les mêmes scènes. Les mêmes frères, les mêmes sales, le même sang, la même haine. Les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes telles, les mêmes peines, les mêmes plaies, les mêmes plaies, les mêmes fêtes, la même lutte, la même rage, les mêmes hommes, les mêmes potes, les mêmes putes. Soldats de la zone unis vers le même bloc. Locataire des blocs, on dit que ça crame dans nos blocos. Révolte au fond des caves, c'est ce qui se trame dans nos sujets. On se connaît pas mon pote, qui t'es pour nous juger. Fier nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs et nos gosses. Pour tous les QG, est, ouest, nord, sud. Faut que la bande s'amorce et que les porcs sentent la morsure. Toujours le même univers, sans pour autant se taire. Les mêmes qui fuient la cour d'école pour la cour des gangsters. Bienvenue où la jeunesse déconne. Délinquant dans nos textes, le bordel dans nos têtes et nos termes en décode. Écoute, ils veulent éliminer ce qui sert à illuminer nos sombres. Soldats de la zone, fallait pas sonner le son. Génération quart de siècle, mentalité mauvais garçon. Consommateur de ce qui assomme, on sait plus ce qu'on fait la manne. La réalité nous rend amère et nos rêves sont déjà fait la malle. Le mépris devient une maladie, traînant le mensonge où les vérités ont du mal à se dire. Nos visions se consument, c'est pour les cousins, cousines, comment est conçu. Leur putain de délinquance, c'est eux-mêmes qui l'ont conçu. Plus des blocs, y'a plus d'horizon. On veut de l'or et pas du toc, qui dira que j'ai pas raison. Tu veux savoir, j'en ai rien à battre. Résident, résistant, jusqu'au jour où on viendra m'abattre. Locataire des blocs, on dit que ça crame dans nos blocos. Révolte au fond des caves, c'est ce qui se trame dans nos sujets. On se connaît pas mon pote, qui t'es pour nous juger. Fier nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs et nos gosses. Pour tous les QG, est, ouest, nord, sud. Faut que la bande s'amorce et que les porcs sentent la morsure. Toujours le même univers, sans pour autant se taire. Les mêmes qui fuient la cour d'école pour la cour des gangsters.